t'ai dit tout bonjour. Tarot gratuit, des permanences de 14h à 16h, des 18h à 20h et des 21h à 22h. Donc on vous attend à Laptop Radio, Radio. C'est quoi la radio ? Supernatural Radio, Pao t'ai dit tout. 077 505 59 33. À toutes. Bonjour. Allô, allô. Est-ce qu'on m'entend? Allô. Tu m'entends? Allô. Allô. Ouais, bonjour. Allô. Allô, comment tu t'appelles? Ah, Fabien Pompon. Je n'ai pas compris. C'est Pompon. Tonton. Pompon, c'est bien. Ok, bah très bien, tonton. Alors, j'entends pas très bien, moi. Toi, tu m'entends, ça va? Je t'entends super bien. D'accord, super. Alors, donc, je t'entends super bien. Dis-moi, est-ce que tu as une question à poser à Pao t'ai dit tout? Ouais, moi, j'avais envie de poser une question intéressante. Mais je me demandais s'il y avait des extraterrestres qui avaient des formes de légumes quelque part dans l'univers. Genre des extraterrestres bananes, par exemple. Alors donc, tu peux répéter la question parce qu'on a un petit souci technique. J'aimerais savoir s'il existe dans l'univers des extraterrestres qui auraient une forme de légumes. Ah bah alors on va voir ça. Alors donc il faut poser la question positivement. Alors est-ce que les extraterrestres auraient une forme de légumes? En forme de légumes. Voilà. Alors, je vais te dire, je vais commencer à mélanger les cartes maintenant pour toi. Donc, s'il te plaît, je vais te demander de bien réfléchir à ta question. Ouais. De ne pas te distraire. Mmh. Et à un moment donné, tu vas me dire stop. Et c'est à ce moment-là que je vais faire la coupe. À un moment donné, je vais te dire quoi? Tu vas dire juste stop. Stop, ok, ouais. Tu me dis à partir de quand? À partir de quand tu veux, je mélange les cartes. Ouais. Maintenant, ça me paraît bien. Stop. Très bien. Ok. Et maintenant, tu vas me donner un numéro des 1 au 5. Ouais. Tu peux me dire les 1, les 2, les 3, les 4, les 5. On va dire le 4. Maintenant, tu vas me dire un numéro du 5 au 10, s'il te plaît. 5 au 10, tu dis? Oui. Oui. Plutôt 10. Ok. Encore une carte du 22 au 25. Du 22 au 25, tu dis? Oui. Exactement. Ouais, alors le 25. Très bien. Il doit 32 à 47. 32 ou 47? Oui. 47. Voilà, très bien. Très bien, donc maintenant je vais. Les cartes se dévoilent. Mmh. Ouh là là, oh là là. C'est un tirage très contradictoire. Ouais. Il y a quelque chose qui vient de faire les tours. Donc peut-être c'est les extraterrestres autour du monde qui se sont déplacés, mais ils ont resté quelque part un peu en attente de quelque chose. Là, ça me sort les pendus. Les pendus, c'est une carte, en fait. C'est pas le moment de se dévoiler. C'est pas le moment, on peut pas savoir encore. Ce n'est pas, non, ce n'est pas le moment de se dévoiler. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il y a eu un moment, en fait, où pour l'instant, ce n'est pas vraiment le moment où on saura, en tout cas scientifiquement, s'ils existent ou pas. Mais après, j'ai la carte du... Je comprends pas tout ce que tu dis, mais je sais l'interpréter. Mais ensuite, j'ai une autre carte. Je vais faire les tours de la question tout de suite. J'ai une autre carte, c'est les mondes. Ouais. C'est une carte de totale réussite, succès. Et... ce qui pourrait dire qu'effectivement, en fait, c'est parce que moi, je pense que ce que je crois comprendre chez toi, c'est toi, tu veux savoir cette vérité, mais surtout, en fait, tu aimerais y participer, en fait, tu aimerais les voir. J'aimerais aller les voir, tu penses? Oui, mais bah, je sais pas. Oui, hein. Si il y a des extraterrestres en forme de banane, c'est sûr, j'aimerais bien les rencontrer. Voilà, mais c'est ça. Donc, là, vraiment, en fait, ce tirage... Ce qu'il me dit, c'est, voilà, ça va arriver, mais ça sera une fois que tu seras mort. Donc une fois que tu auras une autre sorte de vie. En fait, c'est pas tout de suite, bah, c'est sûr que ça va arriver, les cartes les disent. Mais okay, ça bon, sera bah, une transformation cosmique. Très bien, ok, et... bah voilà, bah, merci beaucoup pour tes éclaircissements. Bah voilà, super, alors. Bonne continuation, alors. Pour toi aussi, au revoir. Merci, ciao. Dis tout bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Bienvenue. Merci, merci. Tarot gratuit. Donc, je m'appelle Nongami. Ok, Nongami. Très bien. Nongami. Très bien. Alors, tu vas me dire, quelle est ta question? Pourquoi tu m'appelles aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Quelle est ma question? Oui. Ah, il faut avoir une question pour vous. Mais parce que c'est écrit par où, te dit tout. Alors je pensais qu'il fallait pas avoir de question. Je t'ai dit tout ce que tu veux savoir. Et pour ça, j'avais soin d'avoir une question. Donc il faut que je te pose une question et puis tu vas me répondre. Je vais te répondre, oui. Bien sûr, je vais te tirer les cartes. D'accord. De Marseille. Et c'est une question personnelle ou une question d'ordre général? Ça, c'est toi qui dois le savoir. Tu peux me poser une question personnelle, comme ça je te connais un tout petit peu, à partir de maintenant. Par exemple, je ne sais pas, tu as des questions en lien avec l'amour, en lien avec le travail. Jusqu'à quel âge je vais vivre? Alors, on ne peut pas poser une question comme ça au tarot, il ne va pas te dire des chiffres précis, des dates. Par contre, je pourrais poser une question, par exemple, est-ce que tu vas vivre longtemps? Qui a tué mon enfant? Est-ce que tu vas vivre longtemps? Je ne sais pas si quelqu'un a tué un de tes enfants, mais c'est pas ça. La question serait plutôt, toi tu aimerais savoir jusqu'à quel âge tu vas vivre, mais je te disais, les tarots ne peuvent pas répondre à des questions comme ça. Les tarots, plutôt, donc on pose des questions assez positives, par exemple... Est-ce que je vais vivre longtemps? Est-ce que j'ai des livres d'enfants? J'ai pas vivre, compris la question, pardon. Vivre longtemps. Est-ce que tu vas vivre longtemps? Ta vie terrestre, elle va se rallonger, je sais pas, allonger. D'accord. Donc c'est des questions d'ordre, ça c'est un peu plus abstrait. Ben voilà. Est-ce que t'es prêt? Ça te va comme question ou tu peux poser une autre question? On va comme ça? Ça te dit? Oui, j'ai compris. Alors, oui, très bien. Alors, on va aller comme ça. Ma question, je vais la reformuler. Alors, vais-je vivre longtemps? Très bien. Alors, on va commencer maintenant. Donc, je commence à mélanger les cartes. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas penser très fortement à ta question. Et tu vas me dire, à un moment donné, stop. Et comme ça, je fais un tirage tarot. OK? C'est à partir de maintenant, tu me dis stop quand tu veux. On y va. Très bien. Et maintenant, donc je vais étaler les cartes pour toi. Tu ne te perds pas, tu ne regardes pas autour de moi, tu penses vraiment à ta question tout le temps, est-ce que je vais vivre longtemps? Et tu vas me dire une carte des... Tu vas me dire un chiffre plutôt des 1 au 5. Un, deux, trois, quatre, cinq. Tu me dis quel numéro tu choisis, s'il te plaît? 3. Très bien. 3. Maintenant, du 3 au 7. Le 3 à combien? 7. 7. Encore une autre, de 7 au 15. 2. 7 au 15. Ah, 7 au 15. 13. 13, hein? C'est bien ça? 13, oui. Mais c'était au 15. Jusqu'au 15, c'était, hein? Mais bon. Je vais faire la 16, bon, Alain. C'est bon. Voilà. Et des 16 avant 2. Du numéro 16 au 22, lesquels tu choisis? Pardon, j'ai pas compris. Du numéro 16 au 22, quel numéro tu choisis? 21. Très bien. Alors maintenant, je vais tourner les cartes et on va voir ce qu'il raconte. J'ai hâte de savoir si je vais vivre longtemps. Hein. Et moi, j'ai hâte de te raconter, de dire toute la vérité, parce que tu sais, hein, Paro te dit tout. Alors, tu as eu quand même un début un peu difficile, on va dire. T'es parti comme un fou furieux dans la vie. En fait, on a voulu... Tu m'entends plus, là, Paro. Il y a beaucoup de vent, en fait. Peut-être que tu devrais te mettre un peu à l'abri. Mais t'es où? T'es dans quelle ville? Tu m'appelles de quel endroit? Allô? Bon, alors, donc, allô, tu m'entends? Allô. Tu m'entends maintenant? Non, alors, je peux te dire que tu as eu un début un peu difficile. On aurait dit, je sais pas si... Ça résonne vachement. Je ne sais pas si tu as vécu, ta maman, un accouchement un peu difficile. Donc, on aurait dit que tu as commencé un peu, on a voulu un peu t'arracher à la vie. Mais petit à petit, les choses se sont équilibrées. Et donc là, en fait, les cartes, ce qu'ils me disent, c'est que franchement, tu as la force pour avoir une longue vie et en bonne santé. C'est vrai? Oui. Franchement, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à cette question. Je ne vais pas souffrir du réchauffement climatique et ces choses-là. Comment, pardon? Je ne vais pas souffrir du réchauffement climatique et de toutes ces choses-là. Je vais vivre longtemps. Mais je pense sûrement que tu vas souffrir, mais je pense que Franchement, qu'il n'y a pas de souci vraiment à te faire. Hein. Vraiment. Là, vraiment, la dernière carte qui me sort, c'est la force. Donc, c'est une carte, vraiment, la force tranquille, en plus. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'être trop attaché à la vie, en fait. La vie, elle est généreuse avec toi. Et puis, je pense que ça va être... Attends, je vais faire quand même un calcul. 31 plus 8, ça fait 39... Tu as quel âge maintenant ? J'ai 35 ans. Bon, voilà. Donc, si je fais les calculs finaux, donc je fais l'addition de toutes les cartes, ça me sort le numéro 39. Alors, est-ce qu'à 39 ans, tu vas avoir une grande prise de conscience par rapport à la vie et l'éternité ? Ou alors, est-ce que quelque chose va se passer d'autre ? Je ne sais pas. On va laisser les choses comme ça. D'accord. Ça te va ? Merci beaucoup. Alors, oui, je t'en prie. Alors, merci. Super, à bientôt. Au revoir. À bientôt, adieu. Paote dit tout, on est à la radio Supernatural, numéro 077 505 59 33, pardon. Vous pouvez donc appeler dès maintenant pour savoir quelle sera votre destinée. Alors là, j'ai deux personnes en même temps, donc un appel téléphonique, plus... Comment tu t'appelles ? Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste répondre et puis je suis tout de suite à toi. Ah, ça a accroché. Il faut répondre aux questions, tout ça. Alors, Louise, je suis super contente de te rencontrer. Donc, j'ai un appel. On fait l'appel. Alors, juste tout de suite. Pao t'a dit tout bonjour. Oui, allô, Pao. Allô, oui, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Mathieu. Salut Mathieu. Alors, donc, tu nous appelles à la radio pour les tarots gratuits. Dis-nous, est-ce que tu as une question à nous poser ? Oui, voilà, je suis dans un moment où professionnellement, je me pose beaucoup de questions. D'accord. Et donc, j'hésite à candidater pour quelque chose, à quitter un travail pour un autre, en fait. D'accord. Alors... Donc, J'aimerais savoir, du coup, si effectivement il faut que je fasse le grand pas, hein, que je fasse le cap, comme ça. Alors, on pourrait poser une question qui va dans le sens, est-ce que, Mathieu, tu devrais... Est-ce que ce serait positif d'échanger de travail ? Mmh. Ok, alors on va aller comme ça. Donc, okay. Là, je mélange les cartes. C'est bon, je les pose et je vais couper les jeux. Donc tu vas me dire à partir de maintenant stop quand tu veux. Stop. C'est bon ? Là je les étale et donc cette fois-ci tu vas réfléchir très très fort à la question et moi je vais prendre ta force. Je vais me faire guider par tes mains, par ta pensée, et je vais choisir 4 cartes. Et ensuite, je vais te dire la signification. Ok. Ça marche? Donc je commence maintenant. Oui. On est connectés, toi et moi. Pour la question, est-ce que Mathieu, il faut qu'il change de travail? Plutôt, est-ce que ça va être positif qu'il choisisse une nouvelle voie professionnelle? Très bien. J'ai déjà pris 2 cartes. Troisième et la quatrième. Alors, oulala, c'est un super jeu. Alors, la première carte qui est sortie, c'est les mains. Donc, c'est clair que tu as envie de prendre une nouvelle voie, mais il y a vraiment les vieux démons qui t'attrapent un peu. Parce que cette carte, elle est représentée par quelqu'un qui part et qui s'est fait arracher son pantalon par un chien qui le court derrière. Ah, par un chien? Oui, exactement. Ah, j'aime bien les chiens. Bon, voilà, là, les chiens, je ne sais pas si il a une image positive et négative à la fois. Disons que les chiens, ça représente aussi la fidélité. Donc, en fait, il ne veut pas que tu changes. Il veut que tu restes avec lui. Mais en même temps, toi, tu n'as pas envie de rester. Donc, les chiens, ça peut aussi vouloir dire, je ne sais pas, ton patron, ce travail auquel tu ne tiens pas trop, mais tu te dis, ben voilà, en fait, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, peut-être tu sous-estimes ta force. Mais donc, la deuxième carte, c'est la maison des dieux, c'est vraiment un changement radical. Tout s'écroule, mais c'est aussi, tout doit changer. Vraiment, ça ne peut pas tenir comme ça, parce que sinon, ça va être la bancarrota. C'est pas possible. Donc, après, il y a toi. Donc, c'est vraiment, c'est la carte super influente de ces jeux, c'est l'empereur. Donc, c'est toi-même, c'est toi, tu as vraiment le pouvoir de tout changer. Yes. Et la dernière carte qui sort dans ce jeu, c'est le soleil. Et puis le soleil, ben voilà, on sait, voilà, le soleil, c'est bon, ça peut représenter. Donc, si on parle des temps, bien sûr l'été, le printemps, mais surtout en fait, c'est une carte positive, des lumières. Donc, c'est évident que tu dois changer de travail et que tout va aller bien. Ok. Donc, je ne sais pas. Je te fais confiance à 100%. Ok, bah j'espère que tu vas faire ça bientôt parce que les cartes, là, ce que je vois dans ces jeux, c'est que c'est très immédiat. Et donc, que tu ne peux pas continuer comme ça. Donc, même si tu penses que tu dois être fidèle au poste et rester où tu es, c'est pas du tout ça. C'est plutôt un recommencement et tout va être génial. D'accord, je vais essayer de suivre alors ces bons conseils. Super. Alors. Ça me rassure beaucoup. Génial. Est-ce que tu as une autre question? Écoute, là dans l'immédiat, non, c'était vraiment ce qui me préoccupait le plus en ce moment. Ok, très bien. Donc tu sais, je te remercie beaucoup. Très bien, alors à bientôt. Et on est toujours là, toute la... Oui, bonne continuation alors. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonjour. Oh. Bonjour Louise, c'est chouette d'être avec toi. Alors tu es venue pour les tarots, Pao t'a dit tout. Donc tu peux poser n'importe quelle question et moi je vais répondre. Ça, ça se passe avec les cartes, donc tu devras choisir des cartes, après je vais te dire comment faire. Le Joker. Le Joker. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question par rapport au Joker? C'est peut-être un peu plus. Pourquoi il fait beau? Alors ça, c'est le genre de questions que les tarots ne peuvent pas répondre. Mais par contre, qu'est-ce que je vais faire plus grande? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grande? Alors, et qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grande, quand tu y penses comme ça? Ah, quand je serai grande, j'aimerais plutôt être coiffeuse ou alors... Cavalière! Cavalière. Alors, on va poser la question comme ça. Est-ce que Louise va devenir cavalière quand elle sera grande? Ça te va comme question? Super. Alors maintenant, tu as mélangé les cartes un petit peu. Tu les prends. Je te prends les micros juste. Tu les mélanges. Voilà, donc Louise mélange les cartes. C'est moment. Donc c'est bon, tu peux les poser déjà sur la table. Comme ça, très bien. Et tu vas couper les cartes, juste comme ça, un petit tas, et tu les mets à côté. Très bien. Alors maintenant, on y va. Je vais étaler les cartes pour toi, et tu vas en choisir 4, et tu vas me les donner une à une. Voilà, est-ce que tu es prête, Louise? Est-ce que Louise va devenir cavalière? C'est la question pour Pao te dit tout, Supernatural Radio. Très bien. Encore une troisième et encore une quatrième. Très bien. Alors, dis-moi, pourquoi tu voudrais devenir cavalière? Raconte-moi un tout petit peu pourquoi c'est choix de devenir cavalière. Parce que j'adore faire du cheval. Très, très bien. Alors là, tu vas avoir beaucoup de choix quand tu seras grande. Et tu, ben maintenant, c'est un peu ton rêve, mais... Je me demande si tu vas être que cavalière. À mon avis, tu vas être cavalière, mais chercheuse aussi. Donc, tu vas faire des recherches. Peut-être que tu vas vraiment faire beaucoup d'études. Et puis, peut-être, tu vas vivre à côté de la mer. Est-ce que tu aimes la mer, Louise? Oui. Okay. Alors, je pense que c'est possible que tu deviennes cavalière dans un... pays, dans une région, que ça sera à côté de la mer, mais qu'à côté de ça, peut-être tu vas faire des études, des... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu aimerais faire comme études? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui t'intéresse? Tu dis, ah mais voilà, moi j'aimerais être astronome. Ou j'adore lire, alors peut-être j'aimerais trop écrire des livres. Pas ça? Ou alors... pas vraiment. L'astronomie. D'accord, hein, ben voilà, alors comme quoi, dans les bons schémas là, très bien. Alors ben voilà, c'est un peu comme ça, je pense que c'est tout à fait possible que tu deviennes donc cavalière, mais paquet. Et tu vas vivre à côté de la mer. Voilà Louise, tu as une autre question? Tu aimerais poser? Alors Louise, elle n'a pas trop de questions, je crois. J'aime bien écrire. Magnifique. Quel genre d'histoire tu aimes écrire? Les contes de pirates. Ah, ça c'est cool. Ben voilà. C'est bien, parce que vu que tu vas vivre à côté de la mer, ben voilà, peut-être tu vas rencontrer plein de pirates, tu vas avoir plein d'histoires à raconter par rapport aux pirates qui seront tes potes. Peut-être, non? Super. Bon, alors Louise, je t'embrasse. Merci beaucoup pour ta visite. Au revoir. Bonjour. Oui, bonjour, c'est pour la consultation astrologique. Très bien, alors comment tu t'appelles? Je m'appelle Juana. Juana, très bien. Alors, est-ce que tu as une question à me poser? Alors, je voudrais savoir sur ta vie sentimentale. Très bien. Alors, donc, ta vie sentimentale, Juana. Alors, quel genre de questions? Est-ce que tu es avec quelqu'un maintenant? Est-ce que tu as quelqu'un en vue? Est-ce que tu aimerais rencontrer un homme de ta vie? Non, j'avais, maintenant je suis toute seule. C'est pour ça que je voudrais savoir. D'accord. S'il y a quelqu'un de l'horizon. Ok, alors, est-ce que Juana va rencontrer l'amour dans les prochains temps? On pourrait dire quelque chose comme ça. Oui, oui. Les grands amours, avec un grand A. Ou un petit amour, voilà. Aussi, ça serait pas de mal. Ok, alors. Alors, Juana, donc tu vas vraiment penser à ça, tu te distrais pas, tu fermes les yeux, tu penses à cette lumière qui te donne l'amour, à cette étincelle qui est en toi quand tu es amoureux, amoureuse. Ok. Et donc, je vais faire je vais couper les cartes. Donc, je te raconte un tout petit peu comment je fais. Je fais les tarots de Marseille. Donc, là, en ce moment, je les mélange. Je vais couper et je me connecte avec toi, avec ta force intérieure. Et c'est moi qui choisis les cartes. Mais en fait, c'est toi qui fais ces choix parce qu'on est connectés. Et donc, d'accord, oui, je sens la connexion. Voilà, tu la sens là. Très bien. Oui. C'est génial. Donc, j'y vais. Je commence à choisir la première... carte. Ferme les yeux, s'il te plaît. Moi, oui. j'ai fait de même. J'ai aussi les yeux fermés. Je touche les cartes. Et là, c'est Juana qui vient de choisir la première. Ensuite, la deuxième. La troisième. Ah, je suis nerveuse. Et la quatrième. Ah là là, C'est sûr qu'il y a quelqu'un de nouveau. La première carte qui va sortir dans le jeu, c'est la nouveauté. La nouveauté, donc quelqu'un, en fait... quelqu'un qui travaille avec ses mains. Il va bien travailler le corps, alors. Je pense qu'il peut bien te sculpter le corps aussi. Et alors, ça pourrait être, oui, effectivement, un alchimiste, un sculpteur, quelqu'un qui travaille dans l'horlogerie, un cuisinier. Un cuisinier. Alors, donc, en tout cas, donc, il s'agit de quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre, donc un homme... C'est pas mal, parce que je suis assez folle, alors... Plus de la quarantaine, je dirais. Ah bon, comme moi, alors... Très, très bien. Donc, voilà, quelqu'un de la quarantaine. Et c'est pour quand vous voyez une date, là ? Non, là, je ne vois pas des dates, mais attends, j'ai pas fini. Donc là, je viens de faire les deux premières cartes du tarot, donc les battleurs, l'empereur, et ensuite, à la force. Donc, c'est... En fait, la force, c'est une carte, donc c'est une femme qui tient, qui ouvre la bouche d'un lion avec ses mains, mais donc sans faire aucun effort. Donc là, on parle vraiment d'une force tranquille, mais on parle aussi d'une passion, de la force sexuelle. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui va te donner quelque chose de positif, parce que voilà, la force, c'est vraiment une super, super bonne carte du tarot. Et donc, la dernière carte, c'est la roue de la fortune. Donc, c'est un changement de cycle. Et moi, je pense que ça coïncide tout à fait avec la question que tu me poses. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? La réponse est oui. Et donc, c'est par cette raison-là, en fait... Champagne et feu d'artifice, alors. Ah, mais c'est génial. On devrait se rencontrer, voir du champagne. Ah oui. Je me réjouis de fêter ça avec toi. Je me réjouis que tu me racontes la suite, que tu me dises comment ça avance. Et puis surtout, en fait... N'hésite pas à me rappeler quand tu auras rencontré cette personne. Comme ça, on pourra faire un petit approfondissement par la suite. Comment est-ce que ça va se passer ? Super, madame. Tu vas tout dire. C'est génial. Moi, T'es douce, sympathique, ouverte. Oh, mais génial. Je suis super contente pour toi. Et à mon avis, ça va se passer bientôt, en fait. Je dirais aux alentours. Bon. Alors, je dirais entre les mois d'octobre et novembre. Ah bon, c'est joli, j'adore octobre. Ok, bah très bien, moi c'est aussi c'est un mois que j'aime beaucoup. En plus ça commence le froid, tu sais, alors c'est parfait. Mais il y a encore de la bonne lumière. Pardon? Et donc, il y a encore de la bonne lumière, donc ça veut dire qu'il y aura encore de la lumière pour que tu rencontres quelqu'un et pour rester au chaud et illuminer ton cœur dans les mois qui suivent. Oh là là là là. Très ravie d'avoir parlé avec toi. Est-ce que tu as une autre question, Juana? C'est bon parce que je vous appelle de votre travail et puis j'ai profité des pauses. C'est magnifique. Mais vous avez comblé mon cœur, donc j'avais arrêté de pleurer et puis j'ai l'espoir maintenant. C'est génial quand on pleure de joie, non ? Les larmes de la joie. Super, Pao. Ciao, vous êtes magnifique. Merci à la radio aussi. Et puis tu sais, on est là, donc la permanence, super, donc à 14h. J'irai les soirs visiter le festival. Ah, magnifique, donc j'ai dès 19h. Là-bas. Super, alors le festival, il est génial, il y a vraiment tellement de choses à faire. Il y a même ton maillot de bain, comme ça tu pourras te baigner dans la piscine. Ah oui, il ne faut pas que je l'oublie, d'accord. Très bien. Explodide alors, ma belle. Ah, tout de merci suite. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Au revoir, au revoir, au revoir. Merci encore, au revoir. Teddy Tout, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Allô? Allô, allô, tu m'entends? Vous m'entendez, pardon? J'entends rien. Allô? Allô? Allô, donc alors tu appelles donc en tarot gratuit, pas au Teddy Tout. Est-ce que tu as une question particulière à nous poser? Ah ouais, je m'excuse, mais j'entends rien. J'essaie un peu plus tard. Comment, pardon? Alors ça s'est raccroché, pas beaucoup de réseau, on attend encore l'appel. C'est toi. Sur Radio Supernatural Radio, donc des permanences de 14h à 16h, 19h20, 21h22. Vous pouvez appeler dès maintenant au 077 505 59 33. Tout bonjour. Pao, oui, salut. On t'appelle pour la permanence surnaturelle. Super. Alors, comment tu t'appelles? Aurore. Bonjour, bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Aurore. Aurore, super. Alors, est-ce que tu as une question comme ça par rapport à l'amour, au travail, Je t'ai reprise, pas sur le parleur. Dis-moi. Alors, donc, est-ce que tu as une question donc, par rapport au travail, l'amour, les vacances Les vacances. Super, très bien, les vacances, ça me va. Alors, donc, raconte-moi un tout petit peu. Quels sont les soucis par rapport à tes vacances? Oulala, je t'entends pas très bien. Quels sont les soucis par rapport à tes vacances? Les rêves? Je rêve un peu de... De liberté. Ok. Tu te sens un peu oppressée de 7 ans. Tu aimerais... Un petit peu. Ok. Donc tu aimerais un peu te détacher de tes obligations, partir. Oulala, mais non, en fait, je t'entends vraiment pas. Du coup, j'arrive pas du tout à répondre à tes questions. Je comprends un mot sur 10. Ah, je suis navrée. Dommage. Alors peut-être on va raccrocher et tu essayes de rappeler tout de suite dans une minute. Ah, waouh. Ou alors... j'ai compris. Rappeler d'ici un petit moment. Alors j'essaie de faire ça, ok? Très bien, alors je t'attends sur Supernatural Radio, Pao Teddy Tout, à toutes. Pao Teddy Tout, bonjour. Bonjour. Alors, comment tu t'appelles? Maraïque. Maraïque. Je t'appelle pour Maraïque, ouais. Ok, super. Mais c'est toi, Maraïque? Non, c'est pas moi. C'est qui? Elle parle pas très bien le français. Ah, d'accord. Donc, tu veux poser une question pour une amie à toi. Très bien. Dis-moi, quelle est la question? Ça concerne les domaines sentimentaux, le travail, la santé. Je vais la demander. Hé, Mireille, Mets-la au téléphone, comme ça on entend, même si elle parle une autre langue. Hawaï. Hawaï. Allô? Allô, allô? Donc, dis-moi, quelle est la question? Elle a pu te dire. Il faut poser la question. Qu'est-ce qui inquiète ta copine? Qu'est-ce qu'elle aimerait savoir par rapport à son futur proche ou même un peu lointain? Quel domaine? Alors, elle veut savoir si ça continue comme ça ou pas. Si ça va continuer comme ça. Donc, c'est plutôt... juste donne-moi une petite piste. Est-ce que c'est plutôt sentimental ou... C'est par rapport juste à un état d'esprit? Si elle, le caractère d'elle ou comment? Non, parce que la question que tu viens de me poser est si, est-ce que ça va continuer comme ça? Mais quoi? Mais avec sa vie. Avec sa vie. Alors, plutôt... Alors, ouais. On va poser une question... mais est-ce qu'elle aimerait plutôt des changements où elle est très bien comme ça et elle aimerait rester comme ça ou alors c'est vraiment merdique et alors elle aimerait que ça change? Bah, je pense, je sais pas, elle a l'air d'être contente. Ok, elle a l'air. Juste qu'elle n'est pas sûre si c'est bien de continuer comme ça ou si elle faut changer quelque chose. Ok, alors donc on va poser une question. Attends, je réfléchis. Alors, est-ce que. Redis-moi les prénoms de ta copine, s'il te plaît. Le prénom d'une copine? Non, de la copine en question. Mireille. Ok, alors est-ce que Mireille va changer des choses positivement dans un futur proche? Quelque chose comme ça. Elle doit changer des choses alors. Et non, j'ai pas encore fait les tirages, mais il faut formuler une question pour que les tarots soient cohérents, parce que là je peux pas juste répondre oui, non. Donc, est-ce que Mireille, elle doit changer des choses? Ouais. Est-ce qu'elle peut continuer? Attends, je vais vite demander. Mireille, Maraïque. Ah, ça rigole. Mais elle a l'air d'aller bien, hein, Mireille. Alors, Mireille, tu vas bien? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer? Oui, c'est un peu difficile là. Elle a pris trop de soleil. Mais alors, je vais le faire pour moi. Comme d'accord, ça. Okay, très bien. On change. Okay. Et donc, voilà. Alors, quel domaine t'intéresse? Quelle question, dis-moi, et on va peut-être la reformuler ensemble. Alors, le domaine, c'est la suite. On dirait que tu es multiple. Il y a beaucoup de voix autour de toi. On dirait qu'il y a des gens qui te dictent des questions. C'est hyper difficile à te comprendre acoustiquement. Ah, c'est dommage. Mais est-ce que tu m'entends pas bien? C'est ça? Ouais, pas très bien. Non. Alors, on essaye. J'ai changé l'endroit. C'était Fred. Alors, tu voulais savoir quoi? C'est pour Mireille, alors. Donc, est-ce que tu as réfléchi à ta question? Peut-être que tu n'as pas des questions. Bah, alors, la question, c'est... est-ce que c'est bien de trouver un travail? Alors, mais toi, tu aimerais travailler? Comment? Est-ce que tu aimerais trouver un travail? En fait, c'est, voilà, moi, c'est, tu es bien comme ça ou en fait il te manque l'argent, peut-être, alors je sais pas comment te dire. Ou dans quel genre tu dois trouver un travail, peut-être c'est mieux. Ok. Et quel domaine t'intéresserait dans les travails? Bah, je suis ouvert. tu es ouverte, mais est-ce que tu as plutôt un domaine de prédilection? Je puisse poser une question un peu plus précise. Plus précis? Oui, par exemple, je ne sais pas, tu aimerais travailler à la radio. Je ne sais pas. Ou peut-être dans le domaine médical. Ok. Est-ce que je peux gagner de l'argent avec de l'art? Ok, ben voilà, très bien. Ça me paraît une excellente question, super, magnifique. Alors, on y va. Donc, toi, tu restes connecté à cette question. Tu ne laisses pas tes amis te distraire. On est ensemble. Là, je pose les cartes et je vais couper. Donc, à partir de maintenant, donc, je suis en train d'étaler les cartes. Ah, j'ai une meilleure question, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Mais si tu veux, on peut faire une question et puis après, je fais une deuxième. Toi. Ok. Très bien. Alors, donc maintenant, je vais prendre les quatre cartes à ta place, mais comme on est connecté, finalement, c'est toi qui les choisis. Mm-hmm. Ça marche, donc je commence là, continue toujours à te poser à cette question, donc pour le petit rappel. Est-ce que Mireille va gagner de l'argent en faisant de l'art? Ok, très bien. Alors, j'ai pris la première carte. Ouais. J'en prends la deuxième. Ouais. Troisième. Et quatrième. Je les retourne. Alors, est-ce que tu viens de déménager ou changer quelque chose d'important dans ta vie dernièrement? La Mireille, j'ai déménagé. Est-ce que tu viens de déménager ou changer quelque chose d'important dans ta vie? Ou alors une grande prise de conscience par rapport à quelque chose que tu aimerais faire? Ou alors une grande idée? Coup de génie? Bon voilà, parce que la première carte là, c'est un peu une carte qui... En fait, il y a quelque chose qui vient de se bouleverser chez toi. Et donc, il y a quelque chose qui change un peu brusquement. Je ne sais pas très bien là qu'est-ce que ça veut dire, mais bon, on va voir avec la suite du tirage. Donc, ensuite, tu as les chariots. Donc, on commence avec la maison des dieux. C'est une carte vraiment qui parle des fondements, des prises de conscience, des déménagements, des changements radicaux et vraiment rapides. Donc, ensuite, on a les chariots. Donc, c'est une personne qui tient. Alors là, il faudrait que je le dise en français, je n'ai pas les mots. Qui tient les rênes en main. Donc. À partir de ces moments-là bouleversants, il y a quelque chose qui se passe et tu te dis, mais alors moi, j'ai vraiment le pouvoir de faire ce que je veux. En tout cas, tu es dans cette position, maintenant ou dans un futur assez proche. Ensuite, tu as la carte du soleil, donc c'est une carte super positive, mais c'est une carte aussi qui parle des collaborations. Donc moi, je pense que tu es quelqu'un qui devrait travailler avec des gens, qui devrait s'associer et faire des choses en groupe. Alors, est-ce que c'est une association, alors une fondation, une petite collectif d'artistes, une maison d'édition, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Mais en tout cas, c'est surtout avec une personne. Là, on parle des pluriels, mais c'est plutôt quelqu'un d'important dans ta vie avec qui tu vas faire des choses et ça va vous réussir. D'accord. Donc... Et finalement, donc, la dernière carte du tarot, c'est l'amoureux. Et donc, c'est vraiment, c'est toi qui choisis, là. Donc, tu as plusieurs possibilités, donc gagner de l'argent en faisant de l'art ou alors faire autre chose. Mais à partir du moment que c'est toi la personne qui décide, ok, alors maintenant j'ai envie de gagner de l'argent en faisant de l'art, ben, tu vas le réussir. Mais ça dépend de toi et puis un choix. Des conséquences, peut-être tu vas laisser des choses de côté pour faire ce travail. Donc ça ne sera pas forcément tout rose, mais en tout cas la réponse est oui. Tu peux D'accord. le faire. Voilà. Est-ce que ça te va? Ok, ouais. Super. Alors dis-moi, est-ce que tu as une autre question à poser à Paolo? Ouais, j'ai une question. Qui est Alfred? Ah là, comment ça? Qui est Alfred? Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui a parlé d'un Alfred, mais on ne sait pas quel Alfred que c'est. Je n'ai pas compris ta question. Qui est Alfred? Ouais, je cherche une personne qui s'appelle Alfred et puis je ne sais pas qui c'est. Ok, alors ça c'est un peu difficile comme question, mais quel est l'enjeu avec, avec cet Alfred? Est-ce que c'est un admirateur secret? Non, c'est pas, c'est juste que je sais pas. Tu sais pas, mais il te cherche. Ouais, apparemment. Il te cherche. Alors, donc, on va poser une question comme ça. Est-ce que la rencontre avec Alfred, ou alors, est-ce que tu vas finalement rencontrer Alfred? Est-ce que ça va se faire bientôt? Non, parce que je sais pas s'il est encore vivant. Ah. Alors, comment on pourrait formuler cette question? Je ne sais pas très bien, mais... Alors non, je ne peux pas vraiment poser des questions au tarot. Est-ce qu'Alfred, il est toujours vivant ou pas? Je pense que je ne saurais pas bien lire la réponse. Mais alors, je vais faire comme ça. Je vais juste couper... Je vais tirer une carte et je vais te dire la signification de cette carte et puis peut-être on va faire un lien avec Alfred. D'accord. Si les tarots sont généraux, il va nous raconter quelque chose d'intéressant. Donc je coupe. Voilà, maintenant je suis en train d'étaler les cartes. Tu penses toujours Alfred, s'il te plaît. Ne les perds pas de vue. J'imagine que dans ton imaginaire, il a quand même un visage. Il a un certain corps, il est habillé d'une certaine manière. Voilà. Et maintenant, je vais me balader par-dessus les cartes et je vais en choisir une. Et c'est la roue de la fortune. Alors, moi, je pense qu'Alfred, il est parti. Mais ouais. Par contre, je ne sais pas où. Je ne peux pas dire qu'il est mort, mais en tout cas, il est parti. Ben voilà, je ne sais pas si c'est trop décevant pour toi. Peut-être tu vas le rencontrer ailleurs, peut-être, tu vois, si... Même si... Ouais, mais je voulais juste savoir tout ce qu'il est venu, quoi, qui c'était. Ah, mais ça, c'est pas possible. Ça, je pense que... Je pense qu'il faut que tu... Que tu te connectes avec ton toi profond pour répondre à ces questions. D'accord. Ben voilà, alors, est-ce que tu aurais une autre question? Ça va comme ça? Est-ce que tu es satisfaite? C'est bon. Alors, tu sais, c'est tu bon. Peux aller sur les sites Supernatural Radio et laisser un petit commentaire positif pour ce tirage de tarot. Je te remercie beaucoup. Donc, tu sais, tu peux dire à tes amis d'appeler à Supernatural Radio. Pao te dit tout. C'est les tarots gratuits par téléphone au 077 505 59 33. Les permanences suivantes seront des 19h à 20h. Il y a des 21h à 22h, donc on vous attend nombreux pour répondre à toutes vos questions. Alors, d'accord. Salut, bon après-midi. Bon après-midi, au revoir.